Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit RZA. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. En direct avec RZA. C'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue dans Planet Rap. Comment ça va, RZA? Ça va toujours au top, et toi? Tu as vu ça, comment ne pas aller après cette victoire hier? Ah, c'était parfait hier. Bravo à Momo, on l'a dit, mais qui a pronostiqué un 2-2, qui est en face de toi, Momo, qui a réalisé l'émission. Moi, je l'applaudis pas. Je l'applaudis pas parce qu'il a dit 2-2, mais il a pas parié. Ouais, ça c'est con. Ça c'est vrai que c'est très, ça, très... c'est bête. Toujours un truc de con d'oublier chez Momo, en fait. C'est dommage. C'est dommage, Momo, hein. T'imagines 2-2, t'aurais même parié sur la sortie de Ibra. Là c'est fini. Et qu'on aurait joué à 10 contre 11. Là il serait ou je sais pas où. Ça sur un yacht. Il serait loin, donc en fait on a bien fait de le garder qui parie pas. C'est ça. Bon, tout va bien, RZA, donc bonne soirée hier. Au top, ouais, très très bien. Ouais. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi d'ailleurs tes journées toi en ce moment, RZA? C'est un coup d'œil le matin pour voir combien tu es classé. Ouais, voilà, on regarde les réseaux, on est avec Justin. Ça se passe bien d'ailleurs là, quatrième aujourd'hui, j'ai vu sur iTunes. Ouais, on était passé même premier au classement rap et tout, donc. Et Gradur a grimpé de nouveau. Gradur est costaud. il est costaud, Gradur. Bon, c'est un bon album aussi, on le salue, Gradur. Ouais, très bon album. Et ouais. Puis celui de RZA à découvrir aussi, Love. Donc tout va bien. Les journées, c'est quoi? C'est de la promo, c'est du boulot, c'est du repos, c'est... C'est les trois. D'accord. Les trois. Aujourd'hui, c'était plus quoi? Un petit peu de boulot, un peu de repos aussi. Je vois que tu as une jolie invitée avec nous dans les studios. Attends. Ça va. On va la présenter dans un instant. Bien sûr. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec toi, RZA et tes hommes. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. D'autres invités, tu veux les présenter maintenant, Ouais, RZA, on fait le tour de table maintenant. Bah écoute, on va commencer par les femmes encore une fois. Il faut être galant, tu as raison. Il y a Lilia DS qui vient de Toulouse. Voilà, avec son mec, son meuf. Exactement. Voilà. On est venu avec le live. Ça va bien, Lilia, en pleine forme? Oui, très bien. Si tu parles à son mec, tu finiras son mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras son meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras son mec. Mais toi, arrête ton bluff, tu finiras son meuf. Là, la like, pour un like. Tu fais trop le beau, tes réseaux, ta go. Pour un like, pour un like. Continue comme ça, tu finiras solo. Lilia. Et il y a Osin, alias Osin la Kalash. Bonsoir tout le monde. Je t'en avais parlé hier, je t'avais dit je vais te ramener un gros rappeur d'Orléans. Quand j'ai été faire mon premier son en studio, il y avait beaucoup de monde. Personne m'a calculé et Osin c'est le seul qui m'a dit gros, écoute pas les gens, va au bout. Donc voilà, moi je m'en suis souvenu, j'ai suivi sa carrière et je me suis dit bon, aujourd'hui c'est quoi, le moment. Studio Orléans. Voilà. Studio Orléans. Ouais. Puis là on a Skyrock pour Planet Rap, l'album Love. Je suis très content pour lui. Et ouais. On lui donne la force, on est là pour le soutenir. Exactement, merci, on est là ce soir pour et lui. Puis il faut exactement. Planet Rap. De mal à faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Toutes meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. Attends je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma Planet Rap. Je voulais savoir quel était son rêve de chanter avec un grand artiste. Ah, en featuring. Ah, un featuring, ouais. Mon rêve. Il y en a beaucoup en fait, j'apprécie beaucoup de monde. Après, il y a quelqu'un que j'apprécie vraiment, mais c'est plus. C'est pas vraiment mon créneau, malheureusement, mais c'est Youssoupha. J'adore vraiment Youssoupha. Et voilà. Bah pourquoi pas? On sait jamais. Sait-on jamais? Ouais, voilà, après, on verra. J'avais une question en fait, je voulais savoir d'où vient ton inspiration pour tes musiques, vu que tu dis sur le Mac que t'es célibataire. Ah, bonne question. Fred, il a essayé de me piéger depuis deux jours avec ça, là, je suis foutu. Donc, c'est toutes les meufs qui l'ont largué, c'est là d'où vient l'inspiration. Non, franchement, c'est, comme je t'ai dit, c'est surtout le vécu de mon entourage. Vraiment. Non, c'est vrai, je te jure. J'ai pas vécu grand chose là-dedans, moi. Donc, je m'inspire de ça. Là-dedans, tu parles de quoi? Le love. Mmh. Là-dedans. Ah, ok, donc t'as rien vécu pratiquement. Bon. si, j'ai vécu des choses, t'inquiète pas. Il y a aussi de mon vécu. Mais il veut pas trop dire, en fait. Pas trop dire si c'est les parties qui ont marché ou les parties qui n'ont pas marché en fait, de l'album. J'aurais voulu savoir ton vrai prénom en fait. Ah, ça je le garde un petit peu pour moi ça. Oh. Je soupçonne, quelqu'un de l'avoir poussé cette question là. Hein? Ah, il dit que non. Désolé, non, bah. Je le garde un petit peu ça pour l'instant. Ah, c'est ta partie. Ouais, bah, allez le voir jouer au foot. Voilà. À Saran. Tu verras. Bonjour à Saran. Allez le voir jouer au foot. Tu verras dans le journal et tout. Tu joues à quel poste, hein? Milieu gauche. D'accord. Milieu gauche à Saran, vous avez trouvé le prénom. Au moins le prénom. Au moins. Même le nom de famille. On peut le donner ou pas? Non. Ok. Farid, tu connais toi? Ouais, ça commence par Jean. Non, n'importe quoi. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, on a appris notamment hier soir que tu t'appelles Jean-Luc en fait, pour de vrai. Hein. Non, mais non, pas non. Jean-Luc. Ça, c'est Farid et c'est Merguez. C'est lui, il est fou. Il a dit n'importe quoi. Ritza avec nous, comment ça va? Ça va super en tout cas. Alors, on a entendu un joli rire, je disais aussi, un joli sourire qu'il a dans le studio. Exactement. Je crois qu'on peut la présenter maintenant. Hein. Bah oui, c'est Kenza Farah, donc je vais. Hello. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es loin de nous là. Je suis en quarantaine. Ouais. Je suis en quarantaine cette semaine. Je peux pas trop m'approcher des albums comme ça, c'est trop love pour moi. Trop d'amour. Ça fait trop du bien. Je suis obligé de me protéger, regarde comme ça. Bon, tu vas bien, Kenza? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben, en pleine forme. Regarde, Ritza avec nous. Super. Tu es présente sur l'album, sur le single digital, hein, parce que quand on achète l'album en digital, on récupère lié. Exactement. Tu es aussi sur le clip. Ouais. Toi, tu l'as rencontré comment, Ritza, Kenza? Ben, on s'est rencontré en studio, en fait. Exactement. On s'est rencontré, on a discuté, le feeling est passé, et puis on a testé un titre, et ça a fini en, voilà, un titre qu'on a adoré, qu'on a clippé dans la foulée. Ça a été très rapide, très efficace, et voilà j'ai beaucoup aimé travailler avec Ritza, parce que voilà, c'est un jeune artiste qui est plein de talent, qui est plein d'envie, et il a plein de choses à donner, et il déborde de talent et d'imagination, et c'était vraiment cool de travailler avec lui, vraiment. Et ben, ça c'est de la promo, hein. Wow. Merci beaucoup, hein, Kenza. Il n'y a pas de souci. Bon, bah deux personnes en plus avec une humilité, hein, tous les deux aussi. Ah oui, vraiment, Kenza, comme là aussi. Je t'ai dit, moi c'était une artiste qui est vraiment qui a la tête sur les épaules et qui a apporté beaucoup au morceau. Donc moi que je suis depuis le début, et voilà, ça fait super plaisir d'être en collaboration avec elle. Et bon, on va l'écouter, ce morceau, il s'appelle Lié. Tu veux nous présenter quelqu'un d'autre? Oui, je vais te présenter quelqu'un d'autre qui s'appelle Marvin. Marvin. Marvin Dupuis. C'est lui-même qui est aussi sur l'album, qui est présent sur l'album Love. Voilà, trois sons avec lui sur l'album, donc voilà, Marvin, présente-toi. Alors là, trois sons, c'est que... Ah ouais, c'est une sacrée voix, tu vas découvrir pendant l'émission. Ah. Non, bah, Ressa et moi, on s'entend super bien, donc... Il est intervenu pour faire une collaboration avec moi. Et au final, le feeling est très bien passé, ce qui fait qu'on a collaboré plusieurs fois. Donc voilà, voilà. C'est trois morceaux en tour, hein, que vous avez trois fait morceaux, sur cette Une envie, progresse et était dans le love. Voilà, on pourra en écouter quelques-uns ce soir dans l'émission. On parlera aussi de ton parcours, mais juste avant, je le disais, le morceau Lié avec Kenza, qui est aussi invité ce soir dans l'émission dans ton Planète Rap. On a pris mon cœur pour ce que ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras que si t'en ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été complet, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention perdure. Oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les doux, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les doux, nuit des jours. Gagner dans mes feux, toi, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts au cas où t'iras, j'irai. Ni en mode, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Trop de mal à faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses pas, j'ai fini par prendre un chaos. Trop de meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie d'où et je suis à l'ouest. Attends je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les doux, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les doux, nuit des jours. Ce soir je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. ce morceau qui s'appelle Lié, où on retrouve Kenza qui est de retour aussi dans Planète Rap. Ça faisait un petit moment, Kenza, hein? Ouais, ça fait depuis l'album. Depuis l'album. Dernier album, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis tout ce temps? Ben écoute, l'album est sorti, ça s'est très bien passé. J'ai fait pas mal de dates et puis je suis déjà en studio. Je prépare le prochain. Qui s'appellera? Je sais pas encore. Là, je sais pas encore, mais vraiment, j'ai une idée, mais on verra. Et je prends mon temps. J'ai pas mal de titres. J'ai pas mal de titres maquettés. J'ai une dizaine de titres def. Donc voilà, je prends mon temps. Ah oui, donc ça avance bien. Ouais, je prends mon temps, tranquillement. Tu as bien raison. Et puis, de temps en temps, tu poses quand t'as des petits coups de cœur. Exactement. C'est exactement ça. Là, j'étais vraiment dans une optique d'album solo, d'écriture. Et puis j'ai eu le petit coup de cœur pour Ritza. Et puis, j'ai collaboré avec lui. Donc voilà, tout se passe bien musicalement. Le top, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Yeah. Exact. Bon, Ritza, toi aussi, t'es content d'avoir Kenza sur ce projet aussi, sur le morceau Lié. Bah oui, on en a profité d'avoir repoussé l'album. C'est la première chose qu'on a fait. On s'est dit, allez hop, on va rajouter un gros titre. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, comme elle t'a dit, c'était parfait. Bon, allez mater le clip dans un instant. Il va y avoir une petite session de questions pour toi. Juste avant, je voulais quand même qu'on fasse aussi connaissance avec ton deuxième invité qui est là. Voilà, un autre artiste de Justin Records aussi. Qui est donc présent par trois reprises sur ton album. Voilà. C'est ça. Un petit CV express, Marvin, si ça te va. Petit CV express rapide de ce que tu fais, de ce que t'as fait, de ce que tu vas faire. Alors, tout simplement, ça a commencé il y a quelques mois. J'ai posté ma première vidéo sur Internet et j'ai été repéré par l'équipe Justin pour une collaboration qui était fructifiante. Et au final, d'un son, on est passé à trois sons. Et maintenant, je suis aussi signé chez Justin Records. Donc toi, pareil, tu fais partie de cette génération à mettre des sons sur Internet. Voilà, c'est ça, des covers. En fait. Et tu sais que vous avez la patronne qui est là, parce que l'une des premières à avoir balancé des sons, c'est Kenza quand même. Eh oui. L'une des premières à avoir fait exploser ici, on le sait très bien, sur les skyblocks, c'était Kenza. Exactement. Hein. Ah oui, l'époque des skyblocks. Et moi, j'ai commencé par ça, hein, vraiment. Eh ben, regarde. On a suivi. Hein. 5 albums plus tard. Et voilà. 5 albums plus tard, elle est toujours là. Écoute, je te souhaite le même parcours. Disque platine et disque d'or. Ah oui, une belle carrière. Cool. Je vous souhaite le même parcours, mais c'est vrai que toi aussi, tu fais partie de cette génération Internet. Exactement. Hein, exactement. Ben, moi, c'était 2004-2005 déjà, Skyblog. C'était les tout débuts. Ouais. Les vues, les vidéos. Mais c'est super bien que ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Quoi, que les jeunes continuent à mettre, les jeunes artistes, des vidéos, des sons. Et puis voilà, c'est super. Bon, on a l'impression maintenant, peut-être juste, c'est vrai qu'il faut tout de suite l'image en fait. Il faut, toi, il y avait un peu moins ça aussi à l'époque. Hein. Non, moi c'était beaucoup le son, c'est vrai. C'était les le son, ouais. Avec les paroles, limite les débuts, il y avait mes sons qui tournaient sur internet et on savait pas qui j'étais, d'où je venais. Ouais. Et puis après, c'est arrivé. Après, mais maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup l'image. Il y a beaucoup de petits clips et tout ça et c'est encore mieux. Bon, ça c'est une évolution. Évolué. C'est exactement. Une évolution normale en même temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, les garçons? Vous n'écoutez même pas ce que raconte Kenza. Si, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ça sortait du net, tout ça. Elle n'a rien à voir, c'est pas grave. On te refilera l'émission, tu réécouteras. Ritza. Bon, on va balancer un morceau. Explique à Marvin, c'est la première fois qu'il vient. Ah bah oui, tu lui expliques quoi alors? Elle lui explique comment ça se passe, tout ça, les messages qui défilent. Donc merci à tous en plus de réagir avec le hashtag Ritza sur Skyrock. Merci à tous, voilà quoi. Donc hashtag Ritza sur Skyrock, n'hésitez pas à balancer, tu vas voir, il y a des messages qui arrivent ici, Marvin. Ouais. Il y a aussi des photos, si vous voulez envoyer des photos, n'hésitez pas via l'application, via le Skyrock FM aussi, n'hésitez pas à balancer plein de photos. Ça arrive direct dans le studio et par téléphone, nous sommes avec Morgane. Salut Morgane. Oui, bonsoir. Morgane, tu habites Breteuil, je te présente Ritza, notre invité, Yakenza qui est là et Marvin aussi ce soir dans l'émission. Salut. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Super. Morgane, pose ta question, on t'écoute. Moi, je voulais, en fait, ma première question, c'est comment tu définis ton style musical? Si c'est plutôt rap R&B, rap lover? Bah ouais, je pense, non, rap love. Ouais, rap love. Ouais, après, c'est vrai qu'on aime bien mettre des étiquettes. Ouais. C'est pas dans la catégorie rap love. Il n'y a pas écrit au magasin rap love. Ah bon? Ouais, rap R&B, je pense, c'est très bien. Un peu okay. Mais après, c'est vrai qu'on aime bien mettre des étiquettes. Mais toi, t'as commencé aussi en rappant. Ouais, guillemets, rap. Au début, c'était plus rap. Dur, très dur. Non, pas dur. T'as jamais été trop rude? Non, jamais dur. C'était plus des vérités, tout ça. Mais jamais été ghetto, tout ça. Ah, t'as jamais été ghetto, bitué, matitude, rien, non? Non, non, non. Donc là, par contre, donc c'est plutôt rap R&B, puisque tu chantes aussi, ouais, c'est rap vrai. Rap R&B, on chantonne un petit peu, voilà. Ok. Ça, c'était pour la première question, Morgane. J'en avais une deuxième, c'était si t'as un projet par la suite de faire du rap un peu plus sol, style Gradure, tout ça. Style Dossé aussi, qui arrive la semaine prochaine, d'ailleurs, qui vient du 45. Oui, Dossé, ouais. Mais du rap sale, je vois pas trop. Parce non, mais peut-être sur les sonorités actuelles, il y a pas mal de sonorités côté trap. Ouais, côté trap. Rapper là-dessus. Pourquoi pas, on va voir. Déjà, on est plus sur l'album, on réfléchira à ça après. Mais après, c'est vrai que niveau texte, je vais pas raconter ce que j'ai pas vécu. Donc c'est vrai que je peux pas avoir leur texte quoi. Tu ne serais pas le premier en même temps. Ah bon? Je sais pas, moi je pense que quand on prend le micro, c'est pour rappeler ce qu'on dit, non? Ouais. Ouais, bon après tu peux fantasmer aussi, c'est partie du divertissement, tu vois, tu peux dire que t'as braqué 50 Brinks, pourquoi pas, que sur Orléans tout le monde te craint, que... la vie c'est GTA mon gars, Call of, j'ai tué des gens sur Call of. Voilà, tu peux raconter des trucs de dingue, ça fait aussi partie de ça, alors voilà, chacun en effet après a sa conscience à lui en se disant... Exact. Ouais, non. On verra peut-être, on avait parlé aussi d'un album 100% rap, enfin un double album, un album rap et un donc album moins chanté, des côtés un peu moins chantés. Voilà, 15 titres rap, 15 titres un peu plus love en fait. On verra. Merci à toi Morgane pour la question. De rien, c'est possible d'avoir une photo dédicacée de Ridza Kenzafara et de toi Fred? Ah bah tous ensemble, la photo dédicacée? Bah on en fera ouais, une après. Et plaisir, on va te faire un poster même, Morgane. Ouais, c'est gentil. Je peux faire une petite dédicace vite? Vas-y, on t'écoute. Petite dédicace à tous mes potos du 60, FABIO, Thomas, Jojo, puis bah tous ceux qui se reconnaîtront, quoi. Merci à toi, Morgane. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Merci à toi, tiens. La deuxième question, avant de marquer une petite pause dans l'émission, c'est Célia qui la pose. Aix-en-Provence, tiens, on va dans le sud, Kenza. Yeah. Ça va, Célia? Salut Célia. Et bon, on t'écoute, Célia. Moi, Ritza, je voulais savoir, si la musique ne marche pas, tu fais quoi? Ah, bonne question. C'est des questions qu'on doit se poser aussi. Hein. Voilà la question. Moi, je vis au jour le jour, donc je verrai. Je trouverai un moyen de vivre. Mais tu faisais quoi justement? Avant la musique? Avant, j'étais dans le bâtiment. Petit job, ouais. C'était dans le bâtiment. Avant, je travaillais dans le bâtiment. Donc, dans le bâtiment. Et voilà. Donc, je sais pas. Je verrai. Pour l'instant, je me pose pas la question. Je travaille et puis si ça s'arrête, on trouvera bien. Et quand t'étais un peu plus jeune, je suppose que voilà, il y avait la musique évidemment comme passion, mais tu devais y faire quoi? T'avais envie de faire quoi? Aucune idée, je partais comme ça. Là, j'avais pas d'idée. J'y allais au jeu. Demain, on se lève, on voit ce qu'on fait. C'est comme ça que tu t'es retrouvé dans le bâtiment d'ailleurs. Exactement. Ça te convient, Célia, comme réponse? Ouais, ça me convient. Eh bah, super, on te fait des bisous, Célia. Ok. Moi aussi, je pourrais avoir un poster comme Morgane? Mais non, mais je déconne pour le poster. Hein. Va falloir qu'on fasse une photo, Fred. Mais on fera une photo, non? On va tirer une photo. On va la grandir, photo, on va la signer. Sur le poster. Et ouais, comme tu dis, aïe. Vas-y, on t'écoute, Célia. Moi, je vais faire une dédicace à mon frère qui est en train de m'écouter. Et j'espère qu'un jour il sera à la place de Ridza et Kenzafara, parce que lui aussi chante. Il a quel âge ton frangin? Il a 23 ans. Et on peut le suivre? Balance, vas-y, fais un peu de promo, on peut le suivre sur le net. Il a des... Sur Facebook, ouais, sur YouTube, c'est son chant, c'est Doui. Doui. Voilà. Ok. Et bonne chance à ton frère. Et bonne chance à vous. Merci. Bisous, Célia. Bisous. Ciao. On va revenir dans un instant dans un petit mot quand même sur Marseille. Comment ça va, Kenza? Tu étais un peu dernièrement ou même pas? Si. Où tu vas en venir? Oh non. Mais chaque fois, tu vois un truc derrière déguisé. Non, mais fais attention. Ne pars pas dans un PSGOM parce que. Ah non! Là, c'est bon. Mais en plus, j'étais même pas. Non, mais attends, nous, on est tellement loin là. Ça on va est super, mais Marseille, j'en viens. Désolé, on est en Champions League. Excuse-moi. Hein. Non, mais. Excuse-moi, Kenza. Mais nous, on est champions du monde, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié que les Marseillais étaient champions du monde. Ouais, non, il n'y avait pas de foot, juste savoir comment. Ça va très bien. Écoute, savoir si tu avais mis les pieds à Marseille ces derniers temps. J'y étais. Écoute, c'est là-bas que je puise mon inspiration, que j'écris, donc en ce moment je suis sur Marseille, soleil, famille, voilà, tranquille. Et sinon, PSGOM? Non, je déconne. Correspondant est occupé. Rappelez plus tard. Et bon, on va revenir nous dans un instant, bougez pas, avec Ridza, c'est notre invité. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Ridza, dans quelques minutes? Est-ce qu'on mettrait pas par exemple Qu'une envie? Je crois que c'était pas celui-là, mais si tu veux, on peut mettre celui-là. On a Marvin qui est là, autant écouter aussi sa voix, non? Sinon, on fait partir, on lui dit de revenir demain. Non, t'inquiète pas. Il y a un live demain, il sera là aussi. On a un live avec lui, t'inquiète pas. Demain. Bon, on mettra. Non, mais le programme a changé en fait, on t'a pas dit, mais il y a eu un petit changement. Eh ben, allons-y, si c'est ça. Et ben, Qu'une envie, ça arrive juste après ça. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète. Ce soir, Planet Rap Ridza en direct sur Skyrock. Où vas-tu, oh Bella? Relève ta tête, je suis là. Si on partait loin, là, je veux un sourire sur ton visage. Raconte-moi tout, Bella. Toi tu rêves de balade, moi je rêve de voyage. Si on partait prendre le large, entre plage et building, on part à l'aventure, découvrir un tas de villes. Du monde on fait le tour, main dans la main c'est l'île. Sans penser à demain, on vit à fond, on profite. All night, tu veux kiffer all right. T'as besoin d'évasion, de t'exiler au calme. Donc suis-moi, on se taille dans mes bras, tu t'évades. Tout ça est bien réel, c'était pas une carte postale. On se regarde sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'embrasser, j'ai qu'une envie. On se regarde sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'en aller, j'ai qu'une envie. Tout, je crois que je suis fou toi. J'assumerai tes envies, on ira où tu voudras. On décolle à Venise, en Floride ou Cuba. Ok, moi je lâche tout pour toi. Si tu veux changer de vie, je t'en prie, suis-moi. Tu veux que je devienne accro, je t'en prie, fuis-moi. Comme dans un film à la Bonnie and Clyde. Sans règle et sans loi. J'ai fait ce rêve où tu m'accompagnais. Tu me disais qu'on s'aimait, qu'on se quitterait jamais. On oublierait la routine, que tout allait changer. On ferait nos vies, qu'on arrête de penser. Comme toi, je rêve de palmier. Que ça peut fin de tout oublier. De ne pas avoir peur d'un nouveau tombé. D'avoir un coup de cœur, de l'aimer, de crier. Regarde sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'embrasser, j'ai qu'une envie. On se regarde sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'en aller, j'ai qu'une envie. Envie à l'instant, c'est extrait de l'album de RZA dans Planète Rap, extrait de son album Love, L-O-V-E à l'instant, avec Marvin. Marvin qui est là aussi. Ouais, Marvin, je suis là. Ce soir dans le studio. Ah, vous avez échangé de place. Bah ouais, qui est ma place. Kenza voulait te voir en te parlant, elle aime pas sinon. Ouais, c'est ça, elle s'est rapprochée de toi. Non, là-bas il y avait des micros, je te voyais pas et là je te vois bien. Ah, voilà. Voilà. Face à face, tu vois, on se voit bien comme ça. Ouais. Bon, il y a Kenza qui est là aussi, ça fait plaisir de retrouver Kenza dans Planète Rap. Entre 20 et 21 sur Skyrock, dans un instant on va mettre un autre morceau. Voilà, qui s'appelle Bailando Contigo. Si, si, Bailando Contigo. Un petit peu d'espagnol dans le son. Bailando Contigo. Voilà, c'est Bailando. Ça. Bailando. Regarde, ça parle à Kenza, ça lui Marvin, parle. Marvin, comment tu prononces ça pour moi? Bailando. C'est pas ça? C'est vrai qu'il est roux, il est espagnol de base en plus. C'est vrai, Marvin? Non, c'est pas. Hola, que tal? Hola. Ah, tiens. Oh, tu sais même pas ça, tu ne sais non, même pas les bases. Quoi, ça veut dire bonjour, non? Voilà, c'est ça. Comment ça va? Hola, que tal? Mais à mort. Moi bien. Non, non, souvent. Meliamor, non, c'est. Non, c'est pas ça. Tu lui dis hola, que tal? Il dit Meliamor. Meliamor, et peut-être que t'es habitué à draguer de l'espagnol, on le voit, hein, Marvin. Ah, il faut que tu sois le plus sacré de ça. Ça marche fort. Bon, on écoutera ce morceau juste avant. On avait encore, je crois, une dernière question qu'on dépassait avant la pub, celle de Caro de Nantes. Salut Caro. Coucou. Ça va bien, Caro? Salut Caro. Ça va et toi? Bah écoute, on est bien. C'est le Planète Rap. Tout va bien. Voilà. On t'écoute. Ouais, donc j'ai deux petites questions à te poser. Oui. Donc la première serait donc de toutes tes chansons, laquelle tu préfères? Ah, sur cet album? Ça c'est dur. Ça non, c'est non, dur. Non, sur toutes. Ah, tout ce que t'as sorti, même sur le premier album il y a longtemps. Tout ce que j'ai sorti, c'est Laisse-moi parler. Une chanson qui dure 7 minutes où bah, c'est un peu plus du rap d'ailleurs. Et j'ai raconté un peu beaucoup de vécu et de vérité. Et qu'on peut trouver sur le premier album qui s'appelle Mes Histoires, qui est toujours d'ailleurs dans les ventes, hein, la Fnac, tout ça, à côté du nouveau. Ouais. D'accord. Donc allez jeter une oreille sur celui-ci. Voilà, même sur iTunes, partout. Partout. Ouais, voilà, Caro, t'avais une deuxième question? Ouais. C'était pour savoir, c'était quoi les derniers albums que t'as achetés? Dernier album que j'ai acheté? Ah. Et pas téléchargé illégalement, hein, Rizin. Oui, bien sûr. Oh là. Bah, dis celui de Kenza. Kenza. Voilà. C'est le dernier album que tu as acheté, celui de Kenza. C'est celui de Kenza. Et que tu attends avec impatience le prochain d'ailleurs. Le prochain, bien sûr. Adore pas Kenza, attention. Hein. Est-ce qu'il y aura peut-être un aller-retour ? Est-ce que vous serez ensemble peut-être sur l'album de Kenza aussi ou... Pourquoi pas. Pourquoi la pas. Musique, c'est ça une va inattendue rencontre, voilà, ça va vite. Non, mais sinon, pour revenir sur les albums, t'as pas un album en tête que t'as bien aimé dernier temps, là, en ces derniers temps ? Non, après j'ai téléchargé un album, mais il date de 1998. C'est un rappeur américain qui s'appelle Az, comme ça, AZ. Ouais, AZ, ouais, bien sûr. Voilà, c'est parti d'époque, ouais, The Firm et tout, c'était énorme, ouais. Moi je suis en 90, donc j'avais 8 ans, je connaissais pas, et j'ai découvert ça là via internet, et j'ai vachement adoré en fait. Le gars, il est une belle couleur d'album. Ah oui, toi t'as 98. Ouais, moi ça date. Quel dernier album, oh. Mais je l'ai acheté que là, j'ai découvert là. J'avais 8 ans, c'était en 98. Non, voilà, exact. Et ben voilà, Caro. Ne faites pas comme lui, ouais. Hein. Acheter son album. Merci. Bon. C'est bon pour toi, Caro ? Bah, merci beaucoup. Et bon, merci on y va. À toi. Hein. Tout va de rien. On te souhaite une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Bah, merci, vous aussi. Et bon, on continue avec Ritza. C'est un extrait de son album Love qu'on écoute maintenant avant le freestyle par téléphone. Tu veux nous dire un mot sur celui-ci, sur les sonorités de ce morceau qu'on va écouter, Bailando Contigo ? Sonorité un peu plus club, un petit peu afro, et voilà, un petit peu pour danser un petit peu dans l'album. Comme je t'ai dit, il y a toutes les couleurs, donc c'est le moment de danser. Ritza, L-O-V-E, Love, c'est l'album qu'on découvre. Je vois cette femme, elle a tout ce que j'adore. Tout le monde me dit qu'elle va me faire tomber. Je reste sur mes gardes, je ne perds pas le nord. Par amour, j'ai des potes qu'on finit par sombrer. Là, je suis loin, à ce côté, je m'endors. On se retrouve seul, on va en profiter. Elle m'a embrassé, oui, elle m'a mis d'accord. Ce n'est pas par hasard que l'on s'est trouvé. Sache qu'on a toute la nuit devant moi, j'ai tout le time. Baby, où tu veux, quand tu veux. Je suis pas du genre timide, on va décoller tonight. Je fais pas dans la dentelle, mais j'aime quand t'emportes. Quand tu montes tes lèvres, baby, c'est le fire. C'est pas trop mon domaine, moi je préfère mes potes. Mais je t'avoue qu'avec elle, je comprends pas, je suis ailleurs. C'est une magicienne. Elle m'a joué un tour, elle m'a rendu crazy. C'est une magicienne. C'est ma Beyoncé, je serai son Jay-Z. Je vois cette femme, elle a tout ce que j'adore. Tout le monde me dit qu'elle va me faire tomber. Je reste sur mes gardes, je ne perds pas le nord. Par amour, j'ai des potes qu'on finit par sonder. Là, je suis loin, à ce côté, je m'endors. On se retrouve seul, on va en profiter. Elle m'a embrassé, oui, elle m'a mis d'accord. Ce n'est pas par hasard que l'on s'est trouvé. Bailando, yo, yo. Contigo, yo, yo. Tui, yo, yo, yo. Este fuego, yo, yo. Bailando, yo, yo. Contigo, yo, yo. Tui, yo, yo, yo. Este fuego, yo, yo. Contigo, yo, yo. Tui, yo, yo, yo. Este fuego, yo, yo. Sois bien dans tes talons, ne t'inquiète pas, j'assure. Je t'ai connu par cœur depuis tant que je t'observe. Ton kiff, c'est les hommes sapés, barbaillés, costumes. Mais à quoi ça sert, ton ex roule en réserve. La vie ne fait pas le moine, je suis riche à l'intérieur. T'en fais pas pour l'étude, moi je suis un débrouillard. Hier on zone en Espagne, demain en Équateur. Faut que t'aimes l'aventure, n'aie pas peur du brouillard. Laisse-moi une chance, oh. Ok, j'attends ta réponse, oh. Baby, juste une danse, oh. Si tu veux ce soir on fonce, oh. Je vois cette femme, elle a tout ce que j'adore. Tout le monde me dit qu'elle va me faire tomber. Je reste sur mes gardes, je ne perds pas le nord. Par amour j'ai des potes qu'on finit par sombrer. Là je suis loin, à ce côté je m'endors. On se retrouve seul, on va en profiter. Oui, elle m'a mis d'accord. Ce n'est pas par hasard que l'on s'est trouvé. Bailando, yo. On se calme, on se calme. Alors, j'ai ma chance ou j'ai pas ma chance? Eh la miss, salam buonasera. C'est moi, je ne sais pas, n'hésite pas, oui c'est à moi. On décolle, on se balade, je te résume le scénar. Pas question qu'on nous sépare, sans toi je tourne en rond. Je galère quand tu n'es pas là. Salam buonasera, c'est moi, je ne sais pas, n'hésite pas, oui c'est à moi. On décolle, on se balade, je te résume le scénar. Pas question qu'on nous sépare, sans toi je tourne en rond. Je galère quand tu n'es pas là. Je vois cette femme, elle a tout ce que j'adore. Tout le monde me dit qu'elle va me faire tomber. Je reste sur mes gardes, je ne perds pas le nord. Par amour j'ai des potes qu'on finit par sonder. Là je suis loin, à ce côté je m'endors. On se retrouve seul, on va en profiter. Elle m'a embrassé, oui elle m'a mis d'accord. Ce n'est pas par hasard que l'on s'est trouvé. Bailando, yo. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Ritza, notre invité. Qu'est-ce qu'il y a, Ritza? Je viens de voir un message. Salut Ritza, ton album sort quand? Eh bien, il est sorti, mais c'est peut-être qu'on l'a pas assez dit, tu as raison. C'est Marvin qui nous envoie, un autre Marvin qui nous envoie ça comme message. Ah, Marvin. Bah écoute, mon album, il est sorti depuis lundi, il est partout. Et bah, depuis lundi, tu peux le trouver un peu partout, l'album de Ritza, et notamment en téléchargement pour avoir le morceau Lié. Exactement, Lié avec Kenza Farah qui est là. Qui est là ce soir, Kenza, et qu'on écoutera chanter. Vous allez chanter tous les deux dans quelques minutes. Yeah. Exactement. Le morceau Lié, il y aura aussi Marvin, tu nous fais un cover? Alors, un petit cover de Sam Smith, I'm Not the Only One. J'ai essayé. Risqué, parce que le mec, t'as vu, il a tout décroché, il a tout chopé là. Je sais. Je joue ma vie ce soir. Voilà, ce soir, Marvin, attention, donc dans un instant, ne bougez pas sur Skyrock juste avant. On va faire un tour du côté de Chambéry avec Otmas de Chambéry. Salut Otmas. Allô. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, et vous? Bah écoute, en pleine forme, Otmas. Salut Otmas. Salut Rita, Kenza Farah et... Coucou. Marvin Dupuis, c'est moi. Il s'appelle Marvin Dupuis, voilà, avec nous. Ok. Tu es prêt à rapper? Ouais, je suis prêt, toujours. C'est la session freestyle par téléphone, on y va. Ok, 1, Poussi 33, 1, écoute, 1. Réflexion légale, rien d'apaisant, c'est de la torture mentale. Dès à présent, je vais pour faire mal. Je les vois devenir tout pâle. À vide, je peux paraître insolent. En tout cas, je suis loin d'être insouciant. Du talent et de la chance. Je me fais ma propre opinion sans me fier à leur science. Rapper sans rien transmettre, c'est tout simplement ne pas avoir conscience. Je fais pas les choses dans le vent, je rappe pour aller loin t'entends. Malgré leurs obstacles, on s'accroche à nos rêves d'enfants. Je ne vois des comptes à personne, au service de personne, je suis pas un guichet. En secret, mettons de côté leurs stéréotypes et tous leurs clichés. Les intolérants sont renfermés sur eux-mêmes, ce que t'as pigé. Dans leur tête, aucune évolution, toutes leurs idées restent figées. Oh. Quand tu montes, on essaie toujours de te descendre. Perturbé dans ma tête, c'est le désordre. Reste toujours attentif à la voix des anges. Jeunesse bercée par la haine, ça me désole. Quand tu montes, on essaie toujours de te descendre. Perturbé dans ma tête, c'est le désordre. Reste toujours attentif à la voix des anges. Jeunesse bercée par la haine, tout ça me désole. Ok, Otmas, à l'instant, freestyle. T'as quel âge, Otmas? J'ai 15 ans, là, je viens d'avoir 15 ans. Tu viens d'avoir 15 ans, piges. Bon. Eh ben, écoute, bon courage pour la suite, en tout cas, Otmas. Ah, merci, ça fait plaisir. A bientôt, on peut te retrouver sur le net, tu veux balancer une adresse où oui, on peut te suivre? Oui, on peut me retrouver sur Twitter, Otmas officiel, sur la page Facebook aussi, Otmas, et sur la page Facebook de Poussi 33, donc c'est mon label. Donc le collectif, je le dédicace au collectif Poussi 33, et à la ville, à toute ma ville aussi. Dédicace à tout Chambéry. À tout Chambéry, à bientôt, Otmas. À bientôt, ciao. Au revoir. Bye. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Ritza est là, Kenza aussi. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux maintenant? Yeah. Moi oui, Kenza aussi. Kenza. Yep. Ça y est, on peut attaquer Lié. Balançons c'est le live. Parti. C'est parti, Lié. Enregistré au studio New Times, dédicace à Akeraïm. Nous avons jamais lié. Lié. Lié, lié. Et on a pris mon cœur pour cible, tout ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras distant, ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été comblé, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention perturbe. Oui j'avoue, oui ça tourne. Je me joue les tours, je deviens fou. Amande oui j'avoue, oui ça tourne. Je me joue les tours, je deviens fou. Kelly dans mes filles, toi je suis pas facile à gérer, yeah. Je vais faire des efforts, ok où t'iras j'irai, yeah. Il y a un moment où je suis pas sûr mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Liées. Liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Chemin me mène à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Trop de de moi, me faire confiance sans me devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Trop de meufs dans ma fille ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si tu crois on y va pas, tu sauras retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, toujours des tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, toujours des tours. Ce soir je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais bravo, bravo, bravo à l'instant en live. Le morceau lié de RZA avec Kenza. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien ce petit morceau. Ça donne envie de partir en vacances. Hein. Ouais, le clip est disponible, allez mater ça. Kenza, est-ce que t'as pas un petit conseil à lui filer, lui qui débute, RZA, toi qui maintenant a une carrière, une sacrée carrière derrière toi? Conseil, je sais pas, en tout cas, ben, je sais pas, rester lui-même, kiffer, faire la musique vraiment, voilà, c'est une passion, faut faire ça sans prendre la tête, sans faire de calcul ni de mathématiques. Et puis voilà, juste, juste kiffer et faire ce qu'on aime. Tu continues à kiffer toi, Kenza, quand t'es en studio, quand tu vas sur scène? Bien sûr, ben oui, c'est, la musique, c'est, voilà, pour un artiste, je pense que c'est ce qu'on aime, c'est notre vie, c'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on se sent nous-mêmes. Et voilà, faut pas trop réfléchir en fait, je pense. L'artiste, faut juste faire kiffer, laisser parler. Les émotions, l'inspiration et le feeling. T'as entendu? J'ai tout noté. Tata Kenza, elle a filé les notes. J'écoute Tata Kenza, elle a filé les conseils. Dans 5 ans, on va où on est. RZA avec l'album Love qu'on peut trouver en téléchargement. Je rappelle qu'en téléchargement, vous avez en plus ce morceau lié. Lié Kenza avec Kenza Farah. Et le clip qui est dispo également. RZA, un petit point. T'es pas en showcase ou en concert bientôt? Parce que j'ai vu des messages arriver en disant il est ce week-end. Si, samedi, donc au Leclerc à Tours. Donc Cultura, il y aura un petit showcase, séance dédicace, photo, venez nombreux. Lié à l'instant live, et avant de conclure, avant de faire tourner aussi la roulette dans quelques minutes, 41759, tu es venu avec un autre invité qui est présent sur ton album à 3 reprises. Voilà, Marvin Dupuis. Marvin Dupuis. Allez le follow partout sur les réseaux. C'est quoi tes réseaux déjà? Marvin Dupuis sur Facebook, Marvin Dupuis officiel. Et sinon, je suis sur Instagram, Marvin Dupuis. Voilà, allez le follow parce que bientôt, ça va faire beaucoup parler de lui. Tu l'as écouté, Kenza, déjà, Marvin? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il a un style un peu Bruno Mars, tout ça. J'aime bien. Merci, voilà, mais t'as la pression, mec, entre la reprise de Sam Smith, Bruno Mars. Un petit côté Lenny Kravitz, piercing au nez, tout ça. Quand tu vas l'écouter, tu vas comprendre. Non, franchement, j'aime beaucoup. Il a de l'émotion dans sa voix et ça se voit qu'il chante avec le cœur. Et c'est, pour moi, c'est la clé. Marvin, est-ce que tu es prêt maintenant, après tous ces beaux compliments? Bah, je m'en remets un peu de mes émotions et après, je allez, souffle un bon coup. Allez, grand. C'est bon. On y va en live maintenant. Marvin et la reprise, le cover de I'm Not the Only One. Marvin Dupuis. Allez, follow sur les réseaux. Album Love, toujours dans les bacs. Oh my. have out my door, denying everything. I wish this would be over now, but I know that still need you. C'est les genres de mecs énervants. En t'as fait. Vu petit piercing au nez, barbe bien taillée. C'est les genres de mecs énervants. En soirée, t'es tout seul. Une belle gueule comme ça, le gars, il chante directement. C'est niqué en fait. C'est faut fini. Jamais inviter ces mecs-là en non. soirée. Ça, il a plus de potes à cause de ça. Ah ouais, c'est sûr, t'es tricard de toutes les soirées. Ça, c'est les mecs c'est énervants, quoi, Marvin. Bon, bravo en tout cas. Hein. T'as vu une sacrée voix, je vous avais dit. Hein, allez le follow sur les réseaux. Hein. Je vois les messages, il a une sacrée belle voix, Marvin. C'est Kinosis qui nous envoie ça, il faut qu'il continue. Bah ouais, je pense, hein. Ah ouais, je veux la même voix que toi, demande Hugo. Écoute, oui, c'est quoi la voix pour avoir cette voix-là? C'est arrivé comme ça d'un seul coup? Non. Ou t'as travaillé quand même? Non, il y a du travail. Il y a du travail, mais à la base, je chante dans ma chambre. Et ça fait que quelques mois, en fait, que je chante, que je montre ce que je sais faire. Et puis, donc, je conseille aux gens qui aiment chanter et qui ont envie de chanter de se lâcher et de partager leur passion avec le monde. Mais toi, il y a des musiciens dans la famille, il y a des chanteurs, chanteuses. Oui, oui, on a une famille de musiciens. Ah, je me disais. Dans toute ma famille, ils aiment tous la musique, tous autant qu'ils sont. Après, bah, il y en a qui font de la guitare, du piano. Comme toi, d'ailleurs. Moi, hein. Voilà, bah, moi, j'essaye un petit en peu. En plus, tu joues? Il joue. Un petit peu de guitare et du piano pour m'accompagner. Je t'avais dit, faut pas le traîner, c'est fini. Même à la plage, tu dis rien, tu peux rien faire. Oubliez ce nom, oubliez Marvin Dupuis. Marvin Dupuis. Non, continue. Donc voilà, ouais, t'as balancé toi tes vidéos comme ça, des reprises, des covers d'abord voilà, sur le ça. Net. J'ai mis une vidéo, puis bah tout de suite ça a buzzé un petit peu, et puis bah j'ai été contacté par Itza. Et depuis, j'ai pas arrêté de faire des vidéos, j'ai fait des vidéos assez régulièrement. Et donc vous pouvez me follow, vous pouvez voir sur ma page Facebook Marvin Officiel, il y a toutes mes vidéos et il y en aura d'autres. Allez cliquer donc Marvin Officiel, sinon sur les réseaux sociaux Marvin Dupuis. Voilà, c'est ça. Exactement. Dupuis. Voilà. Bravo à vous, merci en tout cas d'être passé. Juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette maintenant. Allons-y. Allez. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Avec Laurie de Grenoble. Salut Laurie. Salut Laurie. Voilà, comment ça va? Ouais. Laurie, je sens qu'elle a envie de gagner des places. On va avoir un vrai stop là. Je te présente Ritza, Kenza, Marvin. Ils sont là avec nous ce soir. Laurie, tu as entendu cette voix de Marvin à l'instant? Salut. Hein, Laurie, tu as entendu cette jolie voix de Marvin à l'instant? Ouais, au top. Ah, merci, c'est gentil. Bon, je pensais que t'aurais pu me dire, oh, elle est pourrie, ça va. Non, les gros rageux. C'est un mec, ça aurait dit, non. Ouais, bon, il a une voix, ouais. J'ai la même quand je me réveille. C'est ça, pareil. Laurie, tu es prête à faire tourner la roulette? Allez, c'est parti. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un stop familial, ça. Il y a du monde derrière. Ouais, hein. Ça, c'est un stop familial. Y'a qui avec toi, Laurie? Y'a qui? Ma belle-sœur. Ah, ta belle-sœur, c'est elle que tu emmènes au concert de Maître Gims? Oui, peut-être. Et bah voilà, 20, peut-être, ok. Ça veut dire oui, si elle est gentille. Je la rappelle. Laurie, 27 novembre, t'auras les toutes premières places pour aller voir Maître Gims, c'est pour toi. Il y en a deux. Profite bien. Et bah bisous Laurie. et ta belle sœur derrière. Bisous. Ciao, bisous, bisous. Bisous. Salut, salut. Bonne soirée les filles, merci bisous, à vous. Merci, bisous. Ciao, ciao. Merci Ritza pour cette soirée. Bah, merci à toi, c'était top. On va faire donc le petit tour de table finale, voilà. Évidemment, avec merci Kenza qui Kenza est là. Kenza Farah. Kenza, avec plaisir, on attend quand alors l'album plaisir. Plutôt 2015-2016, tu sais pas trop? Je sais pas, je travaille sans pression, ça arrive tranquillement. Sixième album, donc voilà, hein. Que du plus, que ouais, du bonheur. Même. On a des choses à raconter. Juste hein. Du kiff, donc voilà, et j'embrasse toutes les personnes qui me soutiennent. Toujours la team Kenza qui est présente. Voilà, merci pour vos messages, ouais, pour votre soutien sur les réseaux sociaux. Et voilà, soyez patients et ça va arriver tranquillement. Ça sûrement. A pas tardé à débarquer, donc guettez voilà. Bien. Merci d'être passé en tout cas Kenza Soir. Avec plaisir, merci pour l'invitation, merci à Ritza. Je fais des gros bisous et puis je vous souhaite plein de courage pour son album. Merci beaucoup. Allez choper ça, l'album il déchire. Et voilà, c'est un artiste super talentueux très, et humble. Très fort. Et voilà, j'espère que ça va décoller. Marvin, pareil. Merci beaucoup, allez cliquer sur le clip. Moi je ne salue pas Marvin. Qui... Non, moi non plus. je reviendrai pas. Marvin est parti en fait. Marvin est déjà parti. Il est rentré chez lui. C'est dommage. Et il a arrêté sa carrière en fait. Voilà. C'est fini en fait, pour Marvin. C'était ses adieux. Adieu en fait. Bon bah je m'en vais. Non, merci beaucoup à toi Marvin et bah voilà, bonne chance. On le retrouve demain de toute façon Marvin. Ouais, tu reviens demain. On fera un live du son T'es dans le love. Très bien, bah on va essayer de prévenir l'équipe de sécurité pour pas le prendre. Merci de l'info. Non, merci mais à toi Marvin et bon courage pour la suite. Ritz à demain. Ouais, demain. Le retour pour déjà la dernière de la semaine, on est vendredi. Ça passe assez vite hein. Passe vite cette semaine. L'album s'appelle Love, L-O-V-E. Partout et on le découvre tous les soirs de la semaine. Difool, est-ce que tu es là? Mais oui Fredo. Full. Ah, merci écoute l'équipe, j'entends toujours. Bon début de soirée, on est là. Samy est là? Je suis là, Fred. Ah. C'est à lui en particulier que tu voulais parler. J'ai hésité à venir, mais je suis là. Je voulais juste savoir s'il est bien. Ça. Tu t'en es remis, toi, ou pas? Comment ça se passe? Oh, j'ai fait une de ces fêtes hier soir. Là. Oh, les gars, moi, je crois qu'il parle du match du PSG. Sérieux, on dirait que vous avez gagné la Ils sont en quart de finale, sérieux. Non, mais tu as vu quand même. Non, mais avoue quand même. Il devait sauter le match quand même. Samy. Non, mais ça va, Fred, ton équipe, elle vaut aussi cher que celle de Chelsea. Il n'y a pas d'exploit non plus. Ah, ça y est, c'est parti. Non, mais on était 10. C'est parti sur les tarots. Même 10. On compare les budgets des clubs, c'est les mêmes. Les gars, voilà. pas budget. Franchement, ça, j'ai vu le match, je me suis fait chier. Ah, moi. Momo me dit non. Ouais, Momo qui a les chiffres me dit non. Ouais, Momo le comptable. Momo le comptable. J'entends Kenza derrière qui soutiendrait ouais. Samy. Allez, après, Noël, oui. Ah, Kenza, ouais, aussi, Kenza. Non, mais c'est sympa. Non, mais vous êtes dans un championnat voilà, sympa, l'OM. Tout va bien. Étonnant. Mais nous, on est autre part, quoi. Voilà, c'est la vie. T'sais. Ah, c'est bon, ça traque, c'est bon. Tu vois, aussi, on est dans le Bon, en tout cas, merci à vous d'être passé ce soir dans Planète Rap. Yeah. Et puis demain, on sera là. Bisous, Kenza, en tout cas. Gros bisous, l'équipe. Gros bisous, ma belle. Bisous. Allez, Paris. Demain soir. Allez, l'OM. Et on termine avec un Allez, Paris. Voilà. Et rendez-vous demain, Ritza, dans le Planète Rap. De demain. C'est le dernier de la semaine à pas louper, alors. Et oui. Bon, c'est le feu d'artifice en général. On finira en beauté, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ça va être le bordel. Avec des gros freestyles, des lives. On va faire de l'OM demain. Demain, les invités. Intox, demain. On va mettre des gardes en bas. Balance des infos comme ça. Alors, Gignac sera là, Thomas sera là. Toute l'équipe. Big up à Thomas en plus. Ils seront tous là. Mandanda. Oui, ils seront tous là. Avant qu'ils se barrent. Bielsa, elle va venir, tu vois. On se remet tout le monde en place. Avec sa glacière, enlève le siège. Bah, ça va, tu parles, toi, un peu Bailando Contigo, là. C'est bon, tu pourras faire la trade demain. On verra, on va voir ce qu'il dit. En tout cas, nous, c'est parti dans un instant pour la radio libre, mais on va démarrer avec un Marseillais. Kenza, tu vas être contente, ça nous aussi. On vous a pas oublié les Marseillais. Allez, voilà. Bien. Sopra. Ils ont une étoile, ça fera toute leur vie. On va bien voir de ses nouvelles à Sopra. Soprano, il est à Dijon ce soir. Ouais, gros bisous. Ouais, bisous Kenza. Bisous. Ciao, bisous. Sopra arrive. Salut Ritza, salut Fredo. De rien, salut. Et c'est parti avec Fresh Prince. Alors la radio libre version. Jeffrey. C'est ça. Jeffrey remet nous des glaçons, mais remixé. Vous allez voir dans un instant. C'est le son de Sopra pour démarrer cette soirée. Puis vous nous appelez dès maintenant au 01 53 40 30 20. C'est vous qui faites la radio ensemble tous les soirs sur Skyrock. Vous on nous vous appelez, attend. Tout le monde vous attend. Ouais. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons, vous voulez parler de tout ce que vous voulez, allez-y. Jusqu'à minuit, il y aura le problème du mois tout à l'heure. On va faire plein de choses ce soir. Restez bien dans le coin. On démarre avec Sopra dans un instant et on big up Fredo et toute l'équipe. Ciao. Ciao.